Psaume 83. Cantique et psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne garde point le silence, ne te tais point, et ne te tiens point en repos, ô Dieu fort. Car voici, tes ennemis bruient, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple, et ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ils ont dit, venez, et détruisons-les, en sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Car ils ont consulté ensemble d'un même esprit, ils ont fait alliance contre toi. Les tentes des Iduméens, des Ismaélites, des Moabites et des Agaréniens, les Gébalites, les Ammonites, les Amalécites et les Philistins, avec les habitants de Tyr. Assur aussi s'est joint avec eux, ils ont servi de bras aux enfants de l'eau, c'est là. Fais-leur comme tu fis à Madian, comme à Sisra, et comme à Jabin, auprès du torrent de Kizon, qui furent défaits en d'or, et servirent de fumier à la terre. Fais que les principaux d'entre eux, soient comme Oreb et comme Zéheb, et que tous leurs princes soient comme Zéba et Tsalmuna. Parce qu'ils ont dit, conquérons les habitations agréables de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables à une boule, et aux chaumes chassés par le vent. Comme le feu brûle une forêt, et comme la flamme embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi par ta tempête, et épouvante-les par ton tourbillon. Couvre leur visage d'ignominie, afin qu'on cherche ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu'ils rougissent, et qu'ils périssent. Afin qu'on connaisse que toi seul, qui as nom l'Éternel, es souverain sur toute la terre.